Je viens de loin, j'ai une faim de loup. Je viens de loin, j'ai une faim de loup. Je viens de loin, j'ai une faim de loup. Je viens de loin, j'ai une faim de loup. Écoute, du c'est pas de l'eau. Des fois, quand je bois, j'ai plein de trous. Y'a plein de faux qu'on voulait me faire de l'ombre. J'ai plein de flow. Alléluia, wesh, alors pédo. Je fume sur le bédo, je m'en bats les coups. Y'a, je fais jamais l'intello. Je viens d'un ghetto, pas comme les autres. Chaque jour, y'a des épisodes. Et les petits zones, ils écoutent pas leur daronne. Comment tu veux qu'ils écoutent tes ordres? Plaquette dans la selle, je craque le coin, je pense à la selle. Je pense à ma vie, si demain je meurs, donne à ma mif toute ma sassem. On gamberge trop, on a les cernes, ouais. Demande à Midi, pour un beau boule, ça donne des sous. Pour un frère en tol, ça fait pas de crédit. Quoi, qu'est-ce t'as dit? Tu me regardes pas quand tu me parles, gros, t'es pas crédible. Qu'est-ce qu'aurait fait Michael Burroughs sans s'arrêter en crédit? À vrai dire, j'suis trop les nerfs. Oh les mains, niquez vos mères. À la balle, je galérais pour avoir 5 euros, 25 piges, j'ai fini millionnaire. Ils ont trop de colère, trop de haine. Ils vont souvent où les vents les mènent. Ils ont plus de fierté et pire, je dirais, ils ont plus d'honneur, c'est men. Yeah, fils de Move kid, hein. That I wanna bring your baby mother. Fuck. J'ai mes night night, j'suis pas la fille des likes. Tu fais le mec de la night night, mais ton style est light. Trop de salopes, lop, dans ce monde là. J'vais être gravé dans vos têtes, peut-être comment le. J'fais pas le mec, j'baisse ma vie. Quand on me reconnaît, j'oublie tout, je fume ma weed. Ça n'a pas été facile, flic descend, oui, on connaît. Il te soulève normal où t'habites. Les petits achètent des armes, ils ont pas le time de cogner. Ils sont toujours dans leur bulle, serrent pas la main aux inconnus. Y'en a qui travaillent au chantier, d'autres qui guettent la Xantia, qui préfèrent ça que manger. Y'a des faux, des gentils, qui te disent le sentier. Ça se passe pour des centimes, en promenade c'est danger. Et dédicace les beaux maîtres, salon le ponté. Tarascon, l'une, la farlette, fleurit la santé. Si tu m'écoutes en cellule frérot, à ta santé, à ta santé. Ok. Et arrête tes conneries, tu vois pas, tu fais souffrir tes proches. Tu sais, des fois on peut être heureux, même avec zéro dans les poches. Sors, trouve un taf, fais ta vie et ça ira. Moi j'ai réussi parce que j'avais pas envie de jouer les caïras. Fais des sous, on taillera. Fais confiance, on trahira. Fais plus qu'on te salira, même en temps de guerre, jamais on salira. Ouais, ouais, ouais. Dou, dou, dou. Alors on envoie la deuxième, bro. Yes. Grosse, grosse dédicace à Flo GP, le Sancho. Grosse dédicace. Ok. Coucou, je fume trop, je sens pas les goûts. S'il te plaît, parle pas de près. Range, là tu sens les goûts. Il me faut du shit, tu me coupes un pot. Je vais vite fait lui mettre un coup. J'trop fumé, je sens plus mon pot. Sans fumer, j'dors, j'éteins tout. Nique t'es mort, toi t'es pimpant. Lève pas les mains, gros, bête d'un ton. Les jambes quand j'dis, c'est un don. A chaque son, nous nous ressentons. Mon short chez moi, j'sens bon. J'te dis, j'suis là, j'arrive dans 100 ans. J'écoute mon sang en descendant. J'trache le moteur, j'fais pas semblant. Je vais me tailler vers Marbella. De part que ça fait le single, même quand ça marque, demande à Mendio Cabella. Je vois que les critiques et des commentaires qui me tiennent à cœur. Ils peuvent pas tester c'est réel. Alors ils se mettent en mode acteur, en mode acteur. Moi je rigole, ouais mon frère ça me fait pas peur. T'aimerais t'envoler, mais j'ai mis le feu dans le réacteur. Ils veulent du rap, je vais leur en donner. Je suis au terrain, je suis cramponné. Tu es devant ma route, je vais tamponner. J'ai jamais eu de retour sans donner. J'ai toujours ma puce et mon tel. Appelle-moi, je vois que tu fais le beau paye. Le game, je l'ai mis ok. Pour un feat interdit qu'on paye. Je me tenais que le compte de taille. Tu frappes le coup, il me noteille. Ça fait des années que je te vois pas, tu me dis le sang, tu culottes. Je traîne plus trop au quartier, je fume un pétard tard la nuit. Je pense à tous ces gens que j'ai aidés quand ils étaient dans la mouise. Alors bingo, c'est ça la vie. Je sais même pas si je dois te faire la bise. Je pense à tous sous cannabis, des larmes sur ma cannelle d'oasis. Et des fois c'est trop réel. Je fais des cauchemars où je m'étouffe. Et là j'hésite, ils sont tes mains, tu me les poignets, chauffant tous les moves. Qu'est-ce que je vais faire tous ces sous? Je suis toujours le même, je vis comme avant. Je vais où m'emporte le vent, je suis arrivé dans le rap en roue avant. Des fois je m'en rappelle, c'est chaud comme j'étais en chien. Je me rappelle quand on était à 7 sur deux baguettes de pain, hein. Wesh alors le zin, t'es la famille, t'es le sang. N'apprends pas à faire la grimace au singe. Dis-moi le si t'aimes pas le son. Oh le bâtard, il pompe l'autre. Il a chié dans sa culotte. Ils veulent me tèche, je sais pas combien de disques d'or dans le curriculum. Être fort, ça te va pas, alors tu fais l'âne quand tu fais l'homme. Moi je reste en indé, ils veulent prendre mon âme, me faire de l'homme. Et les malheurs arrivent toujours quand tu croyais que tout allait bien. Mais le bonheur viendra peut-être ce jour où tu t'attendras à rien. Et toi, MC, écoute-moi, reste assis. Toi, prends des gifs, tu me les as cassés. Je sais qu'au fond, tu m'apprécies. Wesh, alors, comme t'as ça. Wesh, dis-moi qu'est pas ça. Cagoulé dans le classa, faudra pas que t'assistes à ça. Toi, tu dis que t'es le capitaine, mais c'est toujours moi qui porte le brassard. Pour moi, la vie est cruelle. Rien n'arrive au hasard. Ouais, ouais, je suis l'envie des champs. Avec ma sacoche l'enchant, arrête de crier, t'as le visage doux. Ça se voit que t'es pas méchant. Des fois j'ai peur de me faire niquer. Pas les képis breliqués. Ça y est, t'as effrité, ben repasse-moi mon briquet. J'ai eu l'oreille qui sifflait un jour quand j'ai frappé sans casque. À 120 dans la rue Saint-Pierre, j'en ai même perdu ma basket. J'ai fait bla les roues arrière à deux sur les roues du TK. La fenêtre criait ma mère. Ne rentre pas très tard, parce que je vis, oh, je supporte plus les gens, obligé de zoner en Clio. Je suis bien quand je rio, à dire que des frères sont rentrés pour un la guillole. Hein? Dans les deux platines,